J'irai au bout de mes rêves, qu'importe ce que les gens pensent. Quand leur offense, mes lèvres prennent un sens. J'irai au bout de mes forces et qu'importe l'insistance. J'irai au bout de cette fièvre et je tiendrai la distance. J'irai au bout de mes rêves avant que le temps m'achève. Si ma prudence est morte, il me semble, et qu'importe si j'en tremble. J'irai au bout de ce qui me lève, seul mon sang, debout face à mes rêves. Depuis tout gosse, j'ai su rester hardi. J'étais précoce, autrement dit, dans la vie petit. Y'a les féroces, les autres m'ont dit, ceux-là ont peu d'appétit. Y'a les bandits, mais eux, ils ont toujours un prix. Y'a ceux qui s'en sortent, ceux qui s'emportent et ceux qui ont rien compris. Y'a ceux qui se portent et ceux qui implorent Dieu. Et pour cela prient, pour se l'approprier, Christ, oublier leur air triste. En tant qu'artiste, j'ai appris à faire face aux mensonges. À la menace des sourires, au prix des songes qui servent aux traces de nos souvenirs. Mon cerveau, comme une éponge, a su déduire le fond du vice. Intelligence hors norme, le fond du vice, mais non la forme. Ça, je l'ai appris beaucoup plus tard et tête à tort. J'ai voulu y croire et tout faire pour, mais j'ai rencontré l'amitié puis l'amour. L'un de m'a fait pitié et l'autre court toujours. Mais moi, si je cours, c'est car j'irai au bout de mes rêves, qu'importe ce que les gens pensent. Quand leur offense, mes lèvres prennent un sens. J'irai au bout de mes forces et qu'importe l'insistance. J'irai au bout de cette fièvre et je tiendrai la distance. J'irai au bout de mes rêves avant que le temps m'achève. Même si ma prudence est morte, il me semble, et qu'importe si j'en tremble. J'irai au bout de ce qui me lève, seul ou ensemble, debout face à mes rêves. J'ai grandi en avance sur mon époque, même si celle-ci conteste. J'évolue avance en toute conscience, même si mes choix choquent. C'est bien ma vie qu'on teste, parfois modeste, par intransigeance. Parfois non, je reste unanime face à mes ambitions. Ma confidence est un secret que je garde pour ma future femme. Si elle exige, j'ai pas de regrets. En ce moment même, je sens brûler sa flamme. Et si je l'aime, c'est pour elle que je l'aime et que je rappe entre mes états d'âme. Qui me rattrape comme des tas d'hommes, comme des tas d'êtres passés à la trappe. Comme ceux qu'on blâme d'avoir passé un cap, ceux qui pensent et ceux qui se tapent. La différence, l'indifférence engendre la défense. Je pense aux dépenses car tout dépend du choix en dépit de ce qui a de l'importance. Et si malgré la tempête, je t'en perds en silence, c'est que je pense que j'irai au bout de mes rêves, qu'importe ce que les gens pensent. Quand leur offense m'élève, mes lèvres prennent un sens. J'irai au bout de mes forces et qu'importe l'insistance. J'irai au bout de cette fièvre et je tiendrai la distance. J'irai au bout de mes rêves avant que le temps m'achève. Même si ma prudence est morte, il me semble, et qu'importe si j'en tremble. J'irai au bout de ce qui me lève, seul ou ensemble, debout face à mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, car ils dirigent mon existence. J'irai à bout de mon impatience, et si j'irai jusqu'à conscience, c'est que j'irai au bout de mes rêves, et peu importe ce qu'on en pense, et peu importe si dans cette guerre, j'ai pas mon glaive. J'irai au bout de mes rêves, car la guerre c'était mon but. J'irai au bout de mes revers jusqu'à la chute. J'irai au bout de mes doutes, toi qui m'écoutes. J'irai au bout de mes choix, au bout de mes rêves, et peu importe si tu crois. J'irai au bout.